Chapitre 29e. Littérature, extrait, beaux-arts, éducation. Le caractère de la littérature américaine est, généralement parlant, assez bien apprécié en Europe. L'immense débordement de sottises périodiques qui pénètrent dans toutes les huttes et dans tous les coins du pays, et dont tous les rangs s'abreuvent avec avidité, est sans aucun doute ce qui en cause principalement l'infériorité. Quand les journaux sont les principaux organes de l'esprit et de la sagesse d'un peuple, on peut à peine attendre qu'une production d'un genre de composition plus gracieux et plus relevé. Qu'il y ait dans ce pays beaucoup de gens capables de bien écrire, c'est ce qui est très certain. Mais il est au moins également sûr qu'ils ne reçoivent que peu d'encouragement à employer leur talent d'une manière plus noble qu'en devenant éditeur d'un journal ou d'un magazine. Autant que j'en ai pu juger, il s'en faut de beaucoup que leurs meilleurs écrivains soient ceux qui ont le plus de vogue. Le goût général est décidément mauvais, et l'on en trouve la preuve non seulement dans la masse de fadaises que vomit la presse journalière et hebdomadaire, mais encore dans la boursouflure des éloges qu'on accorde aux insectes qui en sont les auteurs. Je crois que ce devrait être une distinction flatteuse pour un auteur américain que d'échapper aux louanges des journaux. Je m'imagine que peu de gens de goût aimeraient qu'on parle à d'eux dans les termes de la note suivante, que j'extrais d'un journal de New York, où elle était la suite de l'annonce d'un volume de poésie publié en société par M. et Mrs. Brooks. Mais toutes leurs notices littéraires sont en général du même genre. Les amis des chants classiques et inspirés peuvent se promettre que la muse de Brooks leur fournira beaucoup d'amusement, tandis que la harpe à cent cordes de son épouse, la norna de la harpe du courrier, et qu'elle seule peut toucher, produit une vibration pour chaque cœur. Une autre cause évidente de l'infériorité de leur littérature nationale est le peu de connaissances qu'ils ont des meilleurs modèles de composition. On peut avoir raison de blâmer l'énorme dépense de temps qu'on fait en Angleterre pour apprendre le grec et le latin, et l'on peut douter que le pouvoir d'écrire dans ces deux langues avec correction et facilité vaille toute la peine qu'elles coûtent. Mais tant que les lettres existeront sur la terre, on ne peut révoquer en doute l'utilité d'une parfaite connaissance des excellents modèles de l'Antiquité. Or, je ne cours pas le risque d'être contredite quand je dis qu'une extrêmement petite partie des hautes classes de la société en Amérique connaît les auteurs classiques. Quelque nobles que soient les pensées que les anciens nous ont laissées, leur style est une étude infiniment plus importante pour les écrivains modernes, et c'est ce qu'on ne peut trouver dans aucune traduction. Je ne crois pas même que les Américains soient assez versés dans la littérature moderne pour qu'elle puisse les aider à former leur style. Ce qu'ils appellent littérature moderne se borne à peu près aux ouvrages publiés aujourd'hui en Angleterre. Parler de Chaucer ou même de Spencer comme d'auteurs modernes leur paraît souverainement ridicule, et toute l'éloquence riche et variée de l'Italie, depuis le Dante jusqu'à Monti, leur est à peu près aussi inconnue que nous le sont les effusions galloises d'Urien et de Modred. Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. étaient lus par les anciens fédéralistes, mais à présent ils semblent connus plutôt comme des mots qu'on ne doit pas prononcer que comme des noms illustres. Je me trompe fort s'il se trouve cent Américains, s'ils n'ont jamais voyagé, qui aient lu Boileau ou La Fontaine. Un moins grand nombre encore connaît cette armée de femmes auteurs, françaises, dont le style heureux et sans égal étincelle de beauté dans chaque page de leurs lettres et de leurs mémoires. La littérature de l'Espagne et du Portugal ne leur est pas plus connue, et quant aux beaux esprits du temps de la reine Anne, ils sont relégués en masse sur un rayon de bibliothèque dans une vingtaine de maisons de l'Ancien Régime avec Sherlock et Taylor, comme étant trop surannés pour convenir aux progrès immenses et rapides de l'esprit en Amérique. Les chefs-d'œuvre les plus parfaits de la littérature anglaise, soit de notre temps, soit d'un siècle antérieur, ne doivent certainement pas leur naissance à l'imitation d'un style particulier. Mais la Reine des Fées aurait difficilement pu être composée si Roland n'eût pas existé, et Milton n'aurait pas été un poète si parfait, s'il n'avait pas connu Virgile et le Tasse. Ce n'est pas que le savant devienne imitateur servile et se borne à copier les phrases qu'il a lues, mais c'est qu'il ne peut ni penser, ni sentir, ni s'exprimer de la manière qu'il l'aurait fait s'il eût choisi dans un ordre inférieur les compagnons de son esprit. Les Américains sont grands lecteurs de romans, mais c'est l'Angleterre qui les leur fournit presque tous. Ils en ont pourtant quelques-uns de fort bons qui leur appartiennent. Francis Berrion, par M. Flint, est un ouvrage délicieux. Il y a dans son style une force et une fraîcheur qui sont précisément ce qu'on s'attend à trouver dans la littérature d'un pays nouveau. Et cependant, chose fort étrange, c'est justement ce qui manque à celle de l'Amérique. Il m'a paru que le style de leurs ouvrages d'imagination est presque toujours enflé et affecté. Même quand ils traitent leur grand sujet national de roman, les Indiens, ils ont rarement de la vigueur et de l'originalité. Un petit nombre de traits généraux bien connus se représentent jusqu'à satiété dans toutes leurs histoires indiennes, et en les lisant, vous finissez par perdre de vue le caractère individuel. L'histoire de la vallée du Mississippi par M. Flint est un ouvrage aussi intéressant que savant, et j'espère qu'avec le temps, elle arrivera en Angleterre, où je crois qu'elle sera beaucoup mieux appréciée qu'en Amérique. Le docteur Channing est un écrivain trop bien connu en Angleterre pour que j'aie besoin de rendre témoignage à ses grands talents. Comme prédicateur, il a peut-être à peine un rival dans quelque pays que ce soit. Il est unitaire et j'étais informé par plusieurs personnes qui connaissent bien les littérateurs de l'Amérique que presque tous les auteurs distingués de ce pays appartiennent à cette secte. Monsieur Pierpoint est un prédicateur très éloquent et un poète agréable. Ses ouvrages ne sont pas aussi courus en Angleterre qu'ils mériteraient de l'être. M. Averett a composé quelques beaux vers, et si je puis en juger par les échantillons de ses discours insérés dans l'ouvrage intitulé « Éloquence des États-Unis », je dois dire qu'il brille comme poète plus que comme orateur, mais la renommée en a décidé autrement en Amérique. M. Flint, de la Louisiane, a publié un volume de poésie qui devrait être naturalisé ici. M. Hallock, de New York, a une versification très facile et il est fort à la mode comme poète de salon. Mais je crois qu'il a un peu trop de respect pour lui-même et trop peu pour ses lecteurs. C'est, je crois, M. Bryant qui occupe le premier rang parmi les poètes des États-Unis. Il est à une hauteur trop élevée pour que j'ose l'attaquer. D'ailleurs, je suis d'une autre paroisse et par conséquent, je ne suis peut-être pas un juge très impartial. J'ai fait un grand nombre d'extraits de leur poésie mêlée, mais en les relisant pour les transcrire, j'ai pensé que la méchanceté et l'ennui, quel couple mal assorti, gagneraient trop à leur insertion ici, et qu'une critique modérée serait plus salutaire. Je n'ai pas lu la massive Fredoniade du docteur Amons en 40 chants, mais comme je n'ai jamais trouvé un seul Américain qui l'ait lu, j'espère qu'on me pardonnera de n'avoir pas tenté cette entreprise littéraire. Ils ont quelques tragédies de leur cru, pas plus d'une demi-douzaine, je crois, et toutes d'une date très récente. Il serait peu généreux de les juger avec rigueur. La tentative seule, la plus difficile peut-être que puisse faire un poète, est honorable en elle-même, et le succès dans ce genre est au moins aussi glorieux que celui qu'on peut obtenir dans toute autre branche de littérature. Les romans de M. Paulding ont obtenu de la vogue, et quelques-uns de ses ouvrages ont été récemment publiés en Angleterre. Mais Sedgwick y est aussi avantageusement connu. Son Hope Leslie, Espérance Leslie, est une histoire charmante. M. Washington Irving et M. Cooper ont si décidément choisi un autre champ pour y cueillir leurs lauriers qu'il est à peine nécessaire de les nommer ici. Je ne puis être juge compétent pour prononcer sur leurs ouvrages scientifiques des Américains, mais le peu que j'en ai lu par hasard m'a paru être écrit avec beaucoup de clarté et contenir des définitions exactes. Il paraît extraordinaire qu'un peuple qui proclame hautement son respect pour la science n'ait pas un seul observatoire. Il n'existe rien de ce genre, ni dans les grandes villes, ni dans les établissements scientifiques, et je n'ai entendu parler nulle part d'individus livrés à l'étude de l'astronomie. Je n'ai pas eu le plaisir de faire la connaissance de M. Bowditch de Boston, mais je sais qu'il jouit d'une très haute réputation, comme mathématicien, dans le monde savant de l'Europe. Les œuvres posthumes de Jefferson se trouvaient dans toutes les mains pendant mon séjour en Amérique. Il écrivait avec plus de perspicacité qu'il ne pensait, et sa démocratie bouillante a nui considérablement à son pays. Quelque fausse et quelque pernicieuse que soit sa doctrine, elle ne flatte que trop le goût d'un peuple où chaque individu cherche à puiser son importance dans l'idée que personne n'est au-dessus de lui, plutôt que dans le sentiment intime que dans sa situation, il fait partie d'une noble communauté. Le système social de M. Jefferson, s'il était mis en pratique, ferait du genre humain une masse confuse d'atomes discordants, et le dicton favori « Je vaux tant que vous » prendrait bientôt la place de la loi et de l'évangile. En attendant, ces principes, quoiqu'ils ne soient pas encore mis tout à fait en action, ont déjà produit les résultats les plus lamentables. La prétention à l'égalité, quelque absurde qu'elle soit, suffit pour donner aux manières du pauvre une teinte d'insolence brutale, et elle force le riche à adopter le misérable expédient de sanctionner une idée fausse, bien qu'il soit profondément convaincu de sa fausseté. On ne peut nier, je crois, que les grands hommes d'Amérique n'arrivent au pouvoir et à la renommée en répétant éternellement ce qu'ils savent être faux. Les citoyens américains ne sont pas égaux. Washington croyait-il qu'ils le fussent, quand un mot de lui l'emporta, si heureusement pour eux, sur les votes de milliers de ses concitoyens? Franklin croyait-il que tous les Américains fussent égaux quand il se frayait un chemin de la presse au cabinet? Il est vrai qu'il regardait en arrière avec la meilleure humeur du monde et qu'il disait, avec le plus doux sourire, au pauvre diable qu'il laissait loin de lui qu'ils étaient ses égaux. Mais Franklin ne disait pas la vérité et il le savait. Le grand, l'immortel Jefferson lui-même, qui à l'âge de plus de 70 ans apprenait encore à deux jeunes femmes à obéir à un geste et qui devint ainsi le père de générations innombrables d'esclaves gémissants, répétait pour son hymne du matin et du soir « Tous les hommes sont nés libres et égaux ». Le vénérable père de cette tourbe le croyait-il ou achetait-il aussi son immortalité par un mensonge? J'ai fait quelques extraits des 5 gros volumes sur l'éloquence des États-Unis et je les donne ici plutôt à cause de leur intérêt politique que pour en faire la critique littéraire. Monsieur Hancock, un de ces hommes vénérables qui signèrent l'acte d'indépendance, s'exprime ainsi en parlant de l'Angleterre. « Mais quand je posséderai le don de prophétie, je n'oserai, sans le commandement divin, tourner les feuilles sur lesquelles est inscrite la destinée de ce royaume jadis puissant. » Il est impossible de ne pas regretter que M. Hancock ne l'ait pas osé. Il aurait été très satisfaisant de savoir d'avance toutes les choses terribles que la République nous réservait. Il y a près de 60 ans que cet orateur prophète prononçait le discours modeste mais effrayant d'où ce passage est tiré. Mais dans ces derniers temps, on devient plus hardi, car dans un discours récent du 4 juillet, M. Rush, sans attendre, je crois, le commandement divin, trace cet aimable portrait du caractère britannique. Si nous portons les yeux sur la Grande-Bretagne, le point de vue général nous présente une dureté de caractère individuel qui est reconnue dans toute l'Europe. Un esprit de censure indécente de toutes les coutumes et de toutes les institutions qui ne sont pas les siennes. Une férocité dans quelques-unes des manières nationales, qui se montre même dans les amusements, et la sensibilité d'aucun peuple n'est pas assez émoussée pour la supporter. Une prétention universelle à la supériorité, qui ne se manifeste pas innocemment entre eux par des idées purement spéculatives, mais qui se montre d'une manière grossière aux étrangers, quels qu'ils puissent être, soit en Angleterre, soit quand les Anglais eux-mêmes séjournent temporairement dans une contrée étrangère. Un code de loi criminel, qui oublie de compatir à la fragilité humaine, qui se joue des infortunes des hommes, qui, par une sévérité judiciaire délibérée et dont l'esprit sanguinaire augmente constamment, a versé dans les 2 derniers siècles plus de sang que ne l'a jamais sanctionné la jurisprudence d'une nation ancienne ou moderne, civilisée et policée comme l'Angleterre. Le châtiment des verges, infligé sans merci dans l'armée, les vices qui dégradent les classes supérieures, et l'impudeur avec laquelle elles en font l'aveu, les distinctions excessives accordées à la fortune et à la naissance, distinctions si destructives de tout sentiment moral dans la nation et si injurieuses à la vertu, tels sont quelques-uns des traits que présente le caractère national des habitants de cette île. Où est l'alambic qui pourrait extraire de l'ouvrage du capitaine Hall la 1000e partie de la malveillance que contient ce seul passage? Cependant, toute l'Amérique, d'un rivage à l'autre, a retenti d'exécration contre ces prétendues calomnies. Mais prêtons l'oreille à d'autres tons. Voyons comment ces Américains savent louer. M. Everett, dans un discours récent du 4 juillet, s'exprime de la manière suivante. Nous avons le droit de déclarer que c'est de l'ère de notre indépendance que date l'établissement de la seule organisation parfaite du gouvernement. Ailleurs, notre gouvernement est parfait en théorie, et il ne l'est pas moins en pratique. Ainsi, nous avons résolu le grand problème des affaires humaines. Et plus loin, un système de gouvernement parfait dans ses principes est descendu des régions aérées de l'utopie et a trouvé une habitation locale et un nom dans notre pays. Au milieu de mes lectures, il me tomba sous la main un ouvrage américain rendant un compte détaillé et même officiel de la prise de Washington par les Anglais en 1814. Un événement passé depuis si longtemps, et dont les suites ont été si peu importantes, mérite peut-être à peine qu'on y fasse allusion. Mais il se trouve dans les pièces officielles quelques passages qui me parurent fort amusants. Au moment où les Américains allaient être attaqués par les Anglais sur les hauteurs de Bladensburg, leurs généraux paraissent avoir été dans un embarras curieux pour savoir où ils devaient se placer et ce qu'ils avaient à faire. On dit que les Anglais avancèrent en bon ordre, un à un. Le général américain Wyndham continue ainsi la description de ce qui suivit. Nos tirailleurs avancés commencèrent alors à faire feu, et ils continuèrent à tirer une demi-douzaine de volées, après quoi je les vis courir en arrière vers un verger. Ils y firent halte et parurent un moment vouloir aller reprendre leur première position. Mais au bout de quelques instants, ils se débandèrent entièrement et se retirèrent sur la gauche de la ligne de Stansburg. L'artillerie avancée suivit sur le champ les tirailleurs. Les trois ou quatre premières fusées que fit partir l'ennemi passèrent par-dessus les têtes de la ligne de Stansburg. Mais comme elles prirent ensuite une direction plus horizontale, la fuite universelle du centre et de la gauche de cette brigade en fut la conséquence. Le 5e régiment et l'artillerie restaient encore, et j'espérais qu'ils empêcheraient les ennemis d'approcher. Mais ils avancèrent un à un, et leur feu maltraitant considérablement le 5e régiment, je lui envoyai l'ordre de reculer pour le mettre hors de la portée de l'ennemi. Cet ordre fut pourtant contremandé sur le champ, par suite de la répugnance à battre en retraite, avant que la nécessité en fût plus urgente, et dans l'espoir que l'ennemi se présenterait encore et nous mettrait à même de le combattre à armes égales. Mais le feu commençant à devenir plus dangereux pour le 5e régiment, et plusieurs soldats ayant été blessés, tandis qu'une forte colonne anglaise traversait la route et se déployait sur la gauche, j'ordonnai la retraite, qui devint une fuite et un désordre complet et absolu. Le général rend ce compte succinct de la conduite du régiment de Beall. Il tira une ou deux volées sans aucun effet et prit la fuite. Dans un autre endroit, il dit d'un ton piteux « La cavalerie était prête à tout, excepté à une charge ». Le conte métaphysique rendu fort simplement par le général Armstrong de toute l'affaire est conçu en ces termes. Sans aucun doute, la cause déterminante de nos désastres doit se trouver dans l'amour de la vie. Cette affaire de Washington, dont le résultat fut certainement avantageux à l'Amérique, en ce qu'elle fut cause qu'on bâtit le beau Capitole qui existe à présent en place de celui que nous brûlâmes, fut pourtant regardée à cette époque comme une calamité nationale. Dans un volume de poésies diverses que je parcourus et qui furent composées dans le dessein patriotique d'encourager le pays dans ce moment d'infortune, une idée me frappa comme un peu alarmante pour nous, quoique flatteuse pour l'Amérique. Si la maison de George Q était brûlée, comme nous avons dessein de le faire, serait-ce brûlée aussi toute l'Angleterre? Je crois avoir déjà dit que nul ouvrage de pure plaisanterie n'a réussi en Amérique jusqu'à présent. Mais on vient de faire une tentative de ce genre, et l'on ne peut encore dire quel succès elle aura. Les éditeurs sont des comédiens de Boston, et l'ouvrage est intitulé « Annuaire comique d'Amérique ». Il est orné de gravures à l'eau forte, à peu près à la manière de Creek's Hank, mais qui n'offre nullement son génie. Parmi les vives plaisanteries de ce volume, il se trouve quelques attaques contre nous, roulant principalement sur ce que nous sommes hors d'état de parler anglais. Il faut réellement que nous fassions venir en Angleterre quelques professeurs américains, où notre langue perdra toute trace de pureté classique. Pour échantillon de cet ouvrage, et pour échantillon favorable, j'ai fait un court extrait d'une pièce intitulée « Dix effets, fragments d'une farce ». Un des interlocuteurs est un capitaine Mandaville, anglais, et parmi plusieurs discours du même genre qu'on lui prête, j'ai choisi le suivant. L'ode de Collins est le sujet de la conversation. Ah, il me frappe que vous voulez parler de l'ode sur la colère, la espérance, l'horreur et la vengeance, vous savez. J'ai entendu crier bis quand Mrs. Sid Downs la chantait à Common Garden et à Drury Lane, dans le plus haut de sa popularité, vous savez. En passant, je vous dirais que le jeu des acteurs en Amérique est horrible. La histrionique est encore chez vous dans son enfance, vous savez. Vos acteurs ne sont jamais à aspirer la lettre H, dans les mots qu'ils exigent, comme encre et avoine, par exemple. Dans d'autres, ils ne prononcent pas le W. comme dans « Oui, c'est vanité », et il s'inquiète peu de ne pas faire sonner le cas dans « Quelque chose ». Beaucoup de passages sont dans le même style, mais celui-ci suffira peut-être. Je l'ai cité principalement parce qu'il fournit un exemple de la manière dont les Américains, en général, parlent de notre prononciation et de notre style. On doit pourtant se rappeler ici, et partout, que ces mots, les Américains, ne s'appliquent point à la portion instruite de la société de ce pays, ni aux personnes qui ont voyagé. Il serait absurde de remplir d'extrêmes en petits volumes pour prouver la vérité de ce qu'ils contiennent. Mais ayant parlé de leurs ouvrages légers et du ton général de leur manière, je ne puis m'empêcher d'insérer ici une page tirée d'un annuaire américain, The Token, et qui prétend tracer une scène de la vie à la mode. C'est un passage d'un dialogue entre une jeune dame du plus haut parage et son tuteur, qui est aussi son amant, quoique non encore déclaré. Et ainsi, vous ne voulez pas me dire ce qui vous est arrivé et pourquoi vous avez l'air grave et sensé comme un dictionnaire, tandis que du consentement général, et même du mien, la bigarrure est la seule chose qui aille bien. Suis-je donc si grave, Miss Blair ? Si vous êtes grave, Miss Blair, on dirait que je n'ai pas appris ma leçon aujourd'hui. Dites-moi, monsieur, le bœuf noir vous a-t-il marché sur le pied depuis que nous nous sommes vus ? Philippe essaya de rire, mais il ne put y réussir. Il se mordit les lèvres et garda le silence. J'ai ordre de vous amuser, monsieur Blondel, et quand mon pauvre cerveau devrait faire le tour de cette île enchantée, je serai certainement obéissante. Voyons, je commence par jouer le rôle de médecin. Quel mal l'avez-vous, monsieur ? Miss Blair, dit le tuteur, entamant une remontrance. Miss Blair, quelle pitié ! Je suis médecin, vous dis-je. Que sais-je si Miss Blair est une fièvre intermittente ou continue ? Comment l'avez-vous gagnée, monsieur ? En vérité, Miss Blair. Ah, je vois que vous n'aimez pas la médecine. Eh bien, j'y renonce, et je vais être sensé. Il fait un beau temps aujourd'hui, monsieur Blondel. Très beau. Cette allée est une promenade agréable, si l'on est en compagnie qui plaît. Monsieur Skefton restera-t-il longtemps ? Demanda brusquement Philippe. Personne ne le sait. En vérité, êtes-vous si ignorante ? Et pourquoi votre sagesse me fait-elle cette question ? Dans aucune société du monde, l'avantage d'avoir voyagé ne peut se faire remarquer comme en Amérique. Dans d'autres pays, un ton de simplicité sans prétention peut indemniser du manque d'idées larges et du talent d'observation. Mais ce ton ne se trouve pas en Amérique, ou s'il y existe, ce n'est que parmi ceux qui, ayant vu cette partie insignifiante du monde qui n'est pas comprise dans l'Union, ont appris à savoir combien de choses sont encore ignorées dans cette portion importante de l'univers. Du reste, ils déclarent tous, et ils croient véritablement que seuls, parmi les enfants des hommes, ont en partage l'esprit et la sagesse, et qu'un de leurs privilèges exclusifs est de parler anglais avec élégance. Deux raisons contribuent à leur donner cette idée. La première est que la grande majorité des Américains n'ont jamais entendu d'autre anglais que le leur, si ce n'est par des Irlandais de la dernière classe. La seconde, que ceux qui, par hasard, se sont trouvés dans la société du petit nombre d'Anglais bien élevés qui ont été en Amérique, ont découvert qu'il existe dans leur diction et dans leur accent une différence marquée, à laquelle ils ne sont pas habitués, et d'où ils ont naturellement conclu qu'aucun habitant de l'Angleterre ne sait parler anglais. Les revues américaines contiennent quelques bons articles écrits avec intelligence, mais j'y ai cherché en vain cette vivacité enjouée et cette satire mordante dont le tranchant bien affilé, quelque pénible que soit l'opération pour le patient, est d'une si grande utilité pour couper les excroissances du mauvais goût et pour réduire à son niveau naturel la crue monstrueuse de la sottise. Encore moins ai-je pu y découvrir aucune trace de cette familiarité pleine de grâce, de ces allusions savantes et de ces connaissances générales qui caractérisent les meilleures revues européennes et qui font qu'on se trouve en si bonne compagnie en les lisant. Mais on ne rencontre ni dans les écrits, ni dans la conversation des Américains, ce ton qui est aussi éloigné de la pédanterie que de l'ignorance. Ce ton n'est pas la science même, mais il en est l'effet, et son influence est si pénétrante et si subtile qu'on le retrouve dans les saillies consacrées à la gaieté dans toute l'Europe, aussi certainement que dans la bibliothèque retirée et dans le cabinet du savant. Un des derniers mémoires d'une revue trimestrielle d'Amérique contient un article sur un ouvrage du docteur von Schmidt-Fisseldeck, nom Fiddlestick, et j'en ai fait un extrait parce qu'il offre un curieux exemple des rêves dont les Américains aiment à se repaître. Le docteur von Fisseldeck, qui est non seulement docteur en philosophie, mais en outre chevalier de Dannebrog, n'a jamais été en Amérique, mais il a écrit une prophétie pour démontrer que les États-Unis doivent gouverner et gouverneront tout l'univers, puisqu'ils ont une si vaste étendue et une si grande quantité de territoires non cultivés. Il prédit qu'il s'établira une union entre l'Amérique du Nord et celle du Sud, et que cette union portera le coup de mort à l'Europe à une époque peu éloignée, quoiqu'il ajoute modestement qu'il ne prétend pas désigner l'instant précis où cette révolution aura lieu. Cette prophétie danoise, comme on peut se l'imaginer, enchante le rédacteur de cet article. Il engage tout le monde à lire l'ouvrage du docteur von Fisseldeck, parce qu'on ne peut que gagner à se livrer à de pareilles contemplations de l'avenir, parce qu'il est éminemment propre à donner la plus haute idée du destin réservé à l'Amérique, et parce qu'il servira à faire sentir à la nation la nécessité de se préparer à de si hautes destinées. Dans un autre endroit, le journaliste s'écrit que l'Amérique, toute jeune qu'elle est encore, est déjà devenue le phare et le patriarche des nations qui luttent dans le monde. Et il ajoute ensuite « Ce serait s'écarter de l'ordre naturel des choses et des opérations ordinaires du grand système de la Providence. Ce serait fermer l'oreille à la voix de l'expérience et les yeux à l'inévitable liaison des causes et des effets que de rejeter l'extrême probabilité, pour ne pas dire la certitude morale, que l'ancien monde est destiné à sentir à l'avenir l'influence du nouveau. » Cet article contient 20 pages, mais je n'en citerai plus qu'un passage comme étant un échantillon de cette sorte de raisonnement par lequel les citoyens américains se persuadent que la gloire de l'Europe est nouvelle, en réalité un sujet de reproche. Concentré dans le sentiment de sa supériorité, l'Européen reste chez lui dans l'indolence, brillant de ses plumes empruntées, tirant du produit de tous les coins de la terre et de l'industrie de chaque portion de ses habitants ce que ses ressources naturelles ne lui auraient jamais procuré, et il continue à se gorger de jouissances que la nature lui a refusées. La revue trimestrielle d'Amérique occupe à juste titre le plus haut rang dans la littérature périodique de ce pays. On peut donc la citer avec impartialité comme étant en quelque sorte la clé de l'opinion publique. C'est sûrement l'esprit national plutôt que le patriotisme qui l'engage à parler ainsi avec mépris des heureux efforts que font les nations éclairées pour obtenir de chaque coin de la terre les richesses que la nature a disséminées sur toute sa surface. La presse américaine est fort incorrecte. Elle fait d'étranges bévues en réimprimant les ouvrages français et italiens. Je suppose que le latin n'est pas beaucoup mieux traité, et je crois qu'elle ne se mêle pas souvent du grec. Relativement aux beaux-arts, la peinture en Amérique est aussi bonne qu'on peut s'y attendre d'après le degré d'encouragement qu'elle reçoit, et peut-être même meilleure. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il puisse trouver un homme ayant assez de courage pour se dévouer à une profession qui lui offre si peu de chances d'obtenir les moyens d'exister. Le métier de charpentier présente une carrière infiniment plus avantageuse, et cela est si bien connu qu'il ne faut rien moins qu'une passion ardente pour déterminer quelqu'un à se livrer à cet art. Le manque total de moyens de s'y perfectionner et de l'étudier d'une manière efficace est sans aucun doute la cause qui empêche ceux qui sont capables de ce dévouement de faire de plus grands progrès. J'ai entendu parler d'un jeune artiste à qui sa fortune ne permettait pas d'aller en Europe et qui, voulant pourtant que ses études ressemblassent autant que possible à celles des académies européennes, s'était muni de vêtements de la soie la plus claire, qu'il faisait mettre à ses modèles, n'en pouvant trouver aucun, dans quelques conditions que ce fût, qui voulut consentir à poser nu. Ce fut à Alexandrie que je vis ce que je regarde comme le meilleur tableau peint par un artiste américain. Il avait été récemment envoyé de Rome, où ce peintre, jeune homme nommé Chapman, étudiait depuis 3 ans. Sa mère me dit qu'il avait 22 ans et qu'il était passionné pour son art. À son retour dans son pays, s'il reçoit assez d'encouragement pour entretenir son ardeur et son industrie, je crois qu'on entendra parler de lui. On parle beaucoup de la manière dont l'éducation est universellement répandue en Amérique, et on exprime une grande admiration, qu'on éprouve véritablement, des progrès que fait l'esprit humain dans toutes les parties de l'Union. Les Américains croient de bonne foi qu'ils ont surpassé, qu'ils surpassent et qu'ils surpasseront en intelligence toutes les nations du monde. Je sais que je ne puis dire un seul mot, donnant à entendre que je suis d'une opinion différente, sans attirer sur ma tête un anathème transatlantique. Cependant, ce sujet est trop intéressant pour le passer sous silence. Avant de quitter l'Angleterre, je me souviens d'avoir écouté avec admiration un éloquent ami qui blâmait notre système d'éducation publique comme resserrant les facultés variées et différentes de nos enfants sur un sentier battu et ne faisant que peu ou point d'attention aux dispositions particulières de chaque individu. Cette objection est extrêmement plausible, mais des doutes sur sa valeur intrinsèque se présenteront, je crois, à l'esprit de quiconque a remarqué le résultat d'un système différent dans tous les États-Unis. D'après toutes les informations que j'ai pu prendre, et je me suis donné de la peine pour en obtenir d'exactes, il paraît que l'éducation embrasse beaucoup de choses, mais que les disciples n'apprennent à fond qu'à lire, à écrire et à tenir les livres. Si nous lisions le prospectus du système suivi dans une de nos écoles publiques et celui d'une pension du premier ordre en Amérique, nous serions frappés de la routine scolastique bornée du premier, en le comparant à l'étendue et à la variété du second. Mais qu'on fasse un examen un peu plus sérieux, et l'on trouvera que la discipline de la vieille école d'Angleterre a produit quelque chose de plus élevé et de plus profond que celle qui promet monts et merveilles dans les prospectus d'Amérique. Les Américains n'ont pas le temps de laisser étudier leurs enfants jusqu'à l'âge de 22 ou 23 ans, et c'est pourquoi l'on prononce « ex cathedra americana » que cela n'est pas nécessaire. À 16 ans, quelquefois beaucoup plus tôt, l'éducation finit et l'occupation de gagner de l'argent commence. L'idée qu'ils ont besoin de plus de science qu'on ne peut en avoir acquis à cet âge est généralement tournée en ridicule comme un préjugé monastique et suranné. Ajoutez-y que si les vieillards voulaient que les études se prolongeassent plus longtemps, les jeunes gens s'y refuseraient. Quand la grande affaire de gagner de l'argent commence, tout loisir cesse, et toute l'érudition qu'on peut acquérir ensuite se glane au hasard dans les romans, dans les magazines et dans les journaux. À quel âge le goût peut-il être formé? Comment peut-on acquérir un style poli et même une élocution correcte? Quand le fruit des pensées de 2000 ans peut-il être ajouté à l'intelligence américaine croissant sur sa terre natale? Tels sont les outils, si je puis m'exprimer ainsi, que notre système élaboré de disciplines scolastiques met entre les mains de nos savants. Les possédant une fois, ils peuvent s'en servir ensuite de telle manière que bon leur semble, et ils ne les trouvent jamais un fardeau pesant. Nul peuple ne paraît désirer, plus que les Américains, d'exciter l'admiration et de recevoir les applaudissements. Et pourtant, il n'en est aucun qui se donne si peu de peine et qui fasse si peu de sacrifices pour y parvenir. Cela peut réussir parmi eux, mais il n'en saurait être de même à l'égard du reste du monde. Il faut des sacrifices individuels. Il faut de plus hautes vues d'économie politique avant que l'Amérique puisse le disputer à l'ancien monde, en goût, en science et en libéralité. L'accueil fait au général Lafayette est la seule occasion dans laquelle l'orgueil national est triomphé de l'esprit national de parcimonie. Et il est évident qu'on doit l'attribuer au seul sentiment d'enthousiasme dont les Américains soient susceptibles. Le triomphe qu'ils ont obtenu par le succès de leur lutte pour leur indépendance nationale. Mais quoique ce sentiment soit universellement reconnu comme une source de triomphe et d'orgueil juste et légitime, ils ne pourront pas toujours le faire valoir comme un fonds inépuisable de gloire et d'élévation parmi les autres nations. Leurs pères étaient des colons. Ils ont combattu avec bravoure et sont devenus un peuple indépendant. Leur succès et l'admiration qu'ils ont inspirée, même à ceux dont ils avaient secoué le joug, les ont encouragés pendant leur vie, jettent encore du lustre sur leur sépulcre lointain et qu'aucun titre ne décore, et rendront illustre à jamais cette page de leur histoire. Leurs enfants ont hérité de leur indépendance. Ils ont aussi hérité de l'honneur d'être fils de pères pleins de bravoure. Mais cela ne leur donnera pas la réputation qu'ils désirent avoir, d'être des savants et des hommes bien élevés, et ne leur accordera pas le droit de parler éternellement de leur gloire en buvant un julep de menthe, en fumant du tabac, en jurant par la barbe de Jupiter ou par quelque autre serment qu'ils sont pleins de grâce et d'agrément et en disant en outre les injures à quiconque ne répond pas « Amen ». Douter qu'il existe en Amérique des talents et des facultés intellectuelles de tous les genres, ce serait une absurdité, j'y consens. Mais les Américains manquent cruellement de goût et de science, et c'est ce qui les rend incapables de graduer une échelle pour se mesurer. De là viennent ce contentement d'eux-mêmes et cette estime exagérée qu'ils s'accordent tant comme nation qu'individuellement, ce qui les expose tellement en ridicule et les y rend en même temps si particulièrement sensibles. S'ils continuent à mépriser la marche par laquelle d'autres nations sont devenues ce que leur objet avoué était de devenir, il faut qu'ils se contentent du tribut de louanges et d'admiration qu'ils reçoivent les uns des autres, et que faisant la sourde oreille aux critiques de l'ancien monde, ils consentent à être leur propre récompense. Alexandrie, en proportion de la grandeur de cette ville, a autant d'églises, de chapelles et de conventicules qu'aucune autre cité de l'Union. J'ai visité la plupart de ces églises, et dans les chapelles épiscopales et catholiques, j'ai vu célébrer le service divin avec décence et tranquillité. Le meilleur sermon que j'ai entendu fut pourtant prêché dans une chapelle méthodiste, par un indien picot. Il était impossible de ne pas être touché de la sincérité et de la simplicité de ce pauvre homme. Il traça, avec une éloquence effrayante, le tableau de la décadence de sa nation, sous l'influence réunie de la cupidité et de l'intempérance des Blancs, et il peignit comme très salutaire l'effet des sentiments religieux qui s'étaient récemment introduits parmi ses concitoyens. La pureté de ses sentiments moraux, le ton de vérité de sa compassion pour ses frères de la forêt, prouvaient qu'il était sans aucun doute le meilleur prêtre qu'il puisse avoir. Il parlait anglais très correctement, et l'on ne remarquait dans sa prononciation qu'un accent fort léger. Tandis que nous étions encore dans les environs de Washington, un schisme violent et sans exemple éclata dans le cabinet. Les quatre secrétaires d'État donnèrent leur démission, laissant le général Jackson manœuvrer seul l'étrange petite barque de l'État. Une foule d'exposés contradictoires parurent en cette occasion dans les journaux, et plus d'un cigare fut jeté de côté avant d'être à moitié fini, pour que le politique désintéressé pût livrer passage aux résultats de ses méditations sur cet événement extraordinaire. Mais ni l'éloquence de tous les fumeurs, ni même les explications ultra-diplomatiques que publièrent les secrétaires démissionnaires eux-mêmes ne purent jeter aucun jour sur cette affaire mystérieuse. Elle donna pourtant lieu à la seule caricature passable que j'ai jamais vue dans ce pays. Elle représente le président assis seul dans son cabinet, ayant l'air fort soucieux et faisant de grands efforts pour retenir un des quatre rats qui s'enfuit en plaçant le pied sur sa queue. Les têtes des quatre rats ressemblent assez aux quatre ministres. Il paraît que le général Jackson avait prié M. Van Buren, secrétaire d'État, de rester en place jusqu'à ce qu'il eût un successeur. Ce fut l'occasion d'un bon mot pour le fils du ministre. Quelqu'un lui demandant quand son père serait à New York, il répondit « Quand le président lèvera le pied ».